samedi à soir, et c'est de la semaine dernière, je l'avoue franchement à foire. Et cette fois je vais y croire et je mets le paquet pour fuir le dawa l'enfoiré. Rencard avec une go, une petite perle plutôt bien taillée. Un flow gras de papier bien sapé de la maille du style, et ça y est. Deux boîtes en taré, déjà je l'entends en train de jailler. Pour la calmer, soirée disco, mais d'abord crailler. Je vais l'éliminer, mes têtes brûlées, pas m'incliner, pas le genre de miner. Efféminé, plein d'être monnaie, prêt à tout, battre un guet, ramper, les chaises faire vanner. Plutôt me canner que laisser ma poire vieille tricaner. Personne je permets si ce n'est celle qui a fait de moi son nouveau-né. Bien élevé, bien dur, rap dur, j'ai grandi gavé, arpenté le pavé. Les mains sales si tu savais, la loi entravée, pourtant la rouge passe, on disavait. La guerre fait rap Lorraine, sa frime, sa flamme, se prend pour Sophia Lorraine. La tchèche va la reine, à dire tu parles, y'en a pour mes oreilles. T'as une voiture, c'est garé où? C'est quelle marque d'abord? Black un chauffeur, j'suis pas chauvin, mes clous d'achiffeur commencent à me chauffer. Chaud, j'y vais, j'démarre, j'abrège, façon tôt ou tard, fallait venir. Au mieux qu'ils puissent nous convenir pour l'avenir et les jours à venir. Depuis le lit, j'y viens, j'arrive à le dire, la couche de plumard. Choc autant les chiffres sur un chèque, c'est pas plus mal. La virée me coupe la peau des seufs, j'écoute ta demoiselle en causant de mes causes plates. Toute la nuit, bagarre et tout plat. La lame sœur, si tu cherches, la touche pas. Si tu cherches, ouais, triche pas. Besoin d'une étoile. Si tu cherches, mercredi, pas de match de boxe, c'est de concert, j'suis en congé. Pas d'onglace rongé, front de scène, pif à éponger. Risqué de plonger, faiblir, flancher, mordre le plancher. Ici c'est quand ça va, et quand ça va me reposer le blanquer. C'est pas la médaille, la nouvelle dans les médias qui va m'aider à changer de manière de méda, sur fait divers, info, média. Avec tous les bruits de cartonnés qu'elle connaît, sur une gare j'connais. Ce que désire c'est de Ricard Paumé, désolé, j'ai pas le pardonner. Elle me rend parano, quand j'guette ses mains, doigts parano. Autant pareil pour la CSD, Walter est parrainé. Pas une fille pour toi, elle va te tuer. Là, mes parents me disent mon paradis part en parodie. Question, ça va, heureusement, je suis paradin. Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui celui-là? Attends, des affronts, je m'acquitte parce que ça me coûte ma côte. T'es une putain de rubrique que tu fous ma coûte. Si tu cherches, fais-je pas. Moi, si tu cherches, unique, la seule. Après le fric qui flow, maintenant j'ai le fric et le flow. Va falloir encore que j'évite le vrac et le flow. Des plans galères en plein l'appel. Bon, pas la peine de rentrer ton instinct belleux et bien gaillard, tu resteras pèlerin. Mais apprends sur terre des femmes, pas de pénurie. Bien triche pas si tu cherches. Le seul unique. Si tu cherches. Bien triche pas. Si tu cherches. La seule unique. Ouais, touche pas, touche pas.